sur mon ciel. Les flaques d'eau qui piègent mes trottoirs. Les immeubles sur mon horizon noir. Les fumées épaisses que crache mon diesel. Le matin qui ressemble tant au soir. La journée qui se moque des lumières. Le soleil qu'on ne voit plus l'hiver. Les arcs électriques qui dominent le noir, j'y survis. Des rêves artificiels, le chuchotement des clôtures électriques, le souffle dur des ombres cathodiques et le silence des morales sentinelles, l'ignorance qui orne les esprits, l'assurance que rien ne veut changer, l'arrogance de la voix des cités et le grondement que j'entends si précis, j'y survis. C'est un nouveau refrain.